Chapitre 10. Ainsi, plus de doute sur l'intervention de Wilhelm Storitz. Nous étions en possession d'une preuve matérielle et nous n'étions plus réduits à de simples présomptions. Que lui ou un autre fût le coupable, c'était en tout cas à son profit qu'avait été accompli ce vol bizarre, dont le mobile et l'explication nous échappaient d'ailleurs. « Doutez-vous toujours, mon cher Vidal ?» s'écria le capitaine Harallan, dont la voix tremblait de colère. M. Stepark gardait le silence. Dans cette étrange affaire, il y avait encore une grande part d'inconnu. Si la culpabilité de Wilhelm Storitz était incontestable, on ignorait par quels moyens il avait agi, et il n'était pas certain qu'on réussît jamais à le savoir. Pour moi, à qui le capitaine Harallan s'adressait d'une manière plus directe, je ne répondis pas. Qu'aurais-je pu répondre, en effet ? « N'est-ce pas ce misérable ? » continua-t-il, « qui est venu nous insulter en nous jetant à la face ce chant de la haine comme un outrage au patriotisme magyar ? Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. Il était là, s'il échappait à nos regards. Quant à cette couronne souillée par sa main, je ne veux pas qu'il en reste une feuille. » M. Stepark l'arrêta au moment où il allait la déchirer. « N'oubliez pas que c'est une pièce à conviction, » dit-il, « et qui peut servir si, comme je le pense, cette affaire a des suites. » Le capitaine Harallan lui remit la couronne, et nous descendîmes l'escalier après avoir une dernière fois visité inutilement toutes les chambres de la maison. Les portes du perron et de la grille furent fermées à clef, les scellés y furent apposés, et la maison resta en l'état d'abandon où nous l'avions trouvée. Toutefois, sur l'ordre de leur chef, deux agents demeurèrent en surveillance aux environs. Après avoir pris congé de M. Stepark, qui nous demanda de garder le secret sur cette perquisition, le capitaine Harallan et moi nous revîmes à l'hôtel Roderich en suivant le boulevard. Mon compagnon ne pouvait se contenir, et sa colère débordait en phrases et en gestes d'une grande violence. J'eusse vainement essayé de le calmer. J'espérais d'ailleurs que Wilhelm Storitz avait quitté ou quitterait la ville lorsqu'il saurait que sa demeure avait été visitée et que la police possédait la preuve du rôle joué par lui dans cette affaire. Je me bornai à dire « Mon cher Harallan, je comprends votre colère. Je comprends que vous ne vouliez pas laisser impunis ces insultes, mais n'oubliez pas que M. Stepark nous a demandé le secret. Et mon père, et votre frère, ne vont-ils pas s'informer du résultat de la perquisition ?» « Évidemment, mais nous leur répondrons tout simplement que nous n'avons pu rencontrer Wilhelm Storitz et qu'il ne doit plus être à Rax, ce qui paraît probable d'ailleurs. Vous ne direz pas que la couronne a été découverte chez lui ? Si, mieux vaut qu'il le sache, mais inutile d'en parler à votre mère et à votre sœur. À quoi bon aggraver leurs inquiétudes ? À votre place, je dirais que la couronne a été retrouvée dans le jardin de l'hôtel et je la rendrai à votre sœur. » Malgré sa répugnance, le capitaine Harallan convint que j'avais raison, et il fut convenu que j'irais chercher la couronne chez M. Stepark, qui ne refuserait sans doute pas de s'en dessaisir. Cependant, il me tardait d'avoir revu mon frère, de l'avoir mis au courant, et il me tardait plus encore que son mariage fût accompli. Dès notre arrivée à l'hôtel, le domestique nous introduisit dans le cabinet où le docteur nous attendait avec Marc. Leur impatience était extrême, et nous fûmes interrogés avant même d'avoir franchi la porte. Quelles furent leur surprise, leur indignation, au récit de ce qui venait de se passer dans la maison du boulevard Tekeli ? Mon frère ne parvenait pas à se maîtriser. Comme le capitaine Harallan, il voulait châtier Wilhelm Storitz avant que la justice fût intervenue. En vain, je lui objectai que son ennemi avait sûrement quitté la ville. « S'il n'est pas à Rax, s'écriait-il, il est à Spremberg. » J'eus grand peine à le modérer, et il fallut que le docteur joignît ses instances aux miennes. « Mon cher Marc, dit le docteur, écoutez les conseils de votre frère, et laissons s'éteindre cette affaire si pénible pour notre famille. Le silence sur tout ceci, et on aura bientôt oublié. » Mon frère, la tête entre ses mains, faisait peine à voir. Je sentais tout ce qu'il devait souffrir. Que n'aurais-je pas donné pour être plus vieux de quelques jours, pour que Mira Roderich fût enfin Mira Vidal ? Le docteur ajouta qu'il verrait le gouverneur de Rax. Wilhelm Storitz était étranger, et son Excellence n'hésiterait pas à prendre un arrêté d'expulsion contre lui. L'urgence était d'empêcher que les faits dont l'hôtel Roderich avait été le théâtre pussent se renouveler, dût-on renoncer à en donner une explication satisfaisante. Quant à croire que Wilhelm Storitz disposa, comme il s'en était vanté, d'un pouvoir surhumain, personne ne pouvait l'admettre. En ce qui concerne Madame Roderich et sa fille, je fis valoir les raisons qui commandaient un silence absolu. Elle ne devait savoir ni que la police eût agi, ni qu'elle eût démasqué Wilhelm Storitz. Ma proposition relative à la couronne fut acceptée. Marc l'aurait, par hasard, retrouvé dans le jardin de l'hôtel. Il serait ainsi démontré que tout cela provenait d'un mauvais plaisant, que l'on finirait par découvrir et que l'on châtierait comme il le méritait. Le jour même, je retournai à la maison de ville, où je réclamai la couronne à M. Stepark. Il consentit à me la remettre et je la rapportai à l'hôtel. Le soir, nous étions réunis dans le salon avec Madame Roderich et sa fille, lorsque Marc, après s'être absenté un instant, rentra en disant « Mira, ma chère Mira, voyez ce que je vous rapporte. » « Ma couronne !» s'écria Mira en s'élançant vers mon frère. « Oui, répondit Marc, là dans le jardin, je l'ai trouvée derrière un massif où elle était tombée. »« Mais comment ? Comment ?» répétait Madame Roderich. « Comment ? Répondait le docteur. « Un intrus qui s'était introduit parmi nos invités. Il ne faut plus penser à cette absurde aventure. »« Merci, merci, mon cher Marc !» dit Mira, tandis qu'une larme coulait de ses yeux. Les journées qui suivirent n'amenèrent aucun nouvel incident. La ville reprenait sa tranquillité habituelle. Rien n'avait transpiré de la perquisition opérée dans la maison du boulevard Tekeli et personne ne prononçait le nom de Wilhelm Storitz. Il n'y avait plus qu'à attendre patiemment, ou plutôt impatiemment, le jour où serait célébré le mariage de Marc et de Mira Roderich. Je consacrai tout le temps que me laissait mon frère à différentes promenades aux environs de Rax. Quelquefois le capitaine Haralan m'accompagnait. Il était rare alors que nous ne prissions pas le boulevard Tekeli pour sortir de la ville. Visiblement, la maison suspecte l'attirait. D'ailleurs, cela nous permettait de voir qu'elle était toujours déserte et toujours gardée par deux agents. Si Wilhelm Storitz avait paru, la police aurait été immédiatement avertie de son retour et on l'eût mis en état d'arrestation. Mais nous eûmes bientôt une preuve de son absence et la certitude qu'on ne pouvait, actuellement du moins, le rencontrer dans les rues de Rax. En effet, convoqué le 29 mai par M. Stepark, j'appris de sa bouche que la cérémonie d'anniversaire d'Otto Storitz avait eu lieu le 25 à Spremberg. La cérémonie avait attiré, paraît-il, un nombre considérable de spectateurs, non seulement la population de Spremberg, mais aussi des milliers de curieux venus des villes voisines et même de Berlin. Le cimetière n'avait pu contenir une telle foule. De là, accidents multiples, quelques personnes étouffées, lesquelles trouvèrent le lendemain dans le cimetière une place qu'elles n'avaient pu y trouver ce jour-là. On ne l'a pas oublié, Otto Storitz avait vécu et était mort en pleine légende. Tous ces superstitieux s'attendaient à quelques prodiges posthumes. Des phénomènes fantastiques devaient s'accomplir à cet anniversaire. À tout le moins, le savant prussien sortirait de sa tombe, et il ne serait pas surprenant qu'à ce moment, l'ordre universel fût singulièrement dérangé. La Terre, modifiant son mouvement sur son axe, se mettrait à tourner de l'est à l'ouest, rotation anormale dont les conséquences amèneraient un bouleversement universel du système solaire, etc. Tels étaient les bruits qui couraient la foule. Toutefois, en dernière analyse, les choses s'étaient passées de la manière la plus régulière. La pierre tombale ne s'était pas soulevée, le mort n'avait point quitté sa demeure sépulcrale, et la Terre avait continué de se mouvoir suivant les règles établies depuis le commencement du monde. Mais ce qui nous touchait davantage, c'est que le fils d'Otto Storitz assistait en personne à cette cérémonie. C'était la preuve matérielle qu'il avait effectivement quitté Rax. J'espérais quant à moi que c'était avec la formelle intention de n'y plus jamais revenir. Je m'empressai de communiquer cette nouvelle à Marc et au capitaine Haralan. Cependant, bien que le bruit de cette affaire se fût notablement assoupi, le gouverneur de Rax ne laissait pas de s'en inquiéter encore. Que les prodigieux phénomènes dont personne n'avait pu donner une explication plausible fussent dus à quelques tours d'adresse merveilleusement exécutés ou à toute autre cause, il n'en avait pas moins troublé la ville et il convenait d'empêcher qu'ils vinssent à se renouveler. Qu'on ne s'étonne donc pas si son Excellence fut vivement impressionnée lorsque le chef de police lui fit connaître la situation de Wilhelm Storitz vis-à-vis de la famille Roderich et quelle menace il avait proférée. Aussi, lorsque le gouverneur connut les résultats de la perquisition, résolut-il de sévir contre cet étranger. En somme, il y avait eu vol. Vol commis par Wilhelm Storitz ou à son profit par un complice. Si donc il n'eût pas quitté Rax, on l'aurait arrêté et une fois entre les quatre murs d'une prison, il n'est pas probable qu'il en eût pu sortir sans être vu, comme il était entré dans les salons de l'hôtel Roderich. C'est pourquoi le 30 mai, la conversation suivante s'engagea entre son Excellence et M. Stepark. « Vous n'avez rien appris de nouveau ?»« Rien, monsieur le gouverneur. » »« Il n'y a aucune raison de croire que Wilhelm Storitz ait l'intention de revenir à Rax. »« Aucune. » »« Sa maison est toujours surveillée ?»« Jour et nuit. » J'ai dû écrire à Budapest, reprit le gouverneur, à propos de cette affaire dont le retentissement a été plus considérable peut-être qu'elle ne le mérite, et je suis invité à prendre des mesures pour y mettre fin. Tant que Wilhelm Storitz n'aura pas reparu à Rax, répondit le chef de police, il n'y aura rien à craindre de lui, et nous savons de sources certaines qu'il était à Spremberg le 25. En effet, monsieur Stepark, mais il peut être tenté de reparaître ici, et c'est cela qu'il faut empêcher. Rien de plus facile, monsieur le gouverneur. Comme il s'agit d'un étranger, il suffira d'un arrêté d'expulsion. Un arrêté, interrompit le gouverneur, qui lui interdira non seulement la ville de Rax, mais tout le territoire austro-hongrois. Dès que j'aurai cet arrêté, monsieur le gouverneur, répondit le chef de police, je le ferai signifier à tous les postes de la frontière. L'arrêté fut signé, séance tenante, et le territoire du royaume interdit à Wilhelm Storitz. Ces mesures étaient de nature à rassurer le docteur, sa famille, ses amis. Mais nous étions loin d'avoir pénétré les secrets de cette affaire, et plus loin encore d'imaginer les péripéties qu'elle nous réservait.